Lettre 74e, Théophanie à Junia Marcella, Nicomédie, 28 février 303. Junia, ma Junia, je suis heureuse, heureuse au-delà de l'expression. Pourquoi ne puis-je pas donner des ailes à ma lettre pour te faire partager mon bonheur au moment où je commence à le sentir? Je suis heureuse au point d'en être effrayée. Il est impossible qu'un tel excès de félicité puisse durer sur cette terre et se maintenir longtemps dans sa force et sa pureté. Ah, du moins que j'en jouisse encore en te le racontant, ce bonheur inouï, inespéré, et qui devait être mon partage. Réjouis-toi avec ta Larissa, dont les malheurs t'ont fait répandre tant de larmes. Avant-hier, je t'écrivis, j'avais écrit aussi à Constantin, et je l'attendis sous les portiques de notre maison pour lui remettre ma lettre, lorsqu'il quitterait Agathoclès. Calpurnie était venue avant lui, mais elle ne resta pas aussi longtemps que les dernières fois, et leur conversation ne fut ni aussi soutenue ni aussi animée. Enfin, la porte s'ouvre et Constantin veut sortir. Je l'aborde en tremblant et je lui remets ma lettre en le priant de la lire. Il me regarda avec étonnement et me demanda qui j'étais. Je ne fus pas mal embarrassé. « Il me semble que je t'ai déjà vu, » me dit-il, en me regardant avec attention. « Oui, sûrement, je t'ai vu la nuit où Agathoclès fut transporté dans cette maison. »« Oui, » répondis-je, « j'étais présente. »« Et tu prenais un intérêt bien vif aux blessés qu'on vous amenait. »« Sans doute il est pour toi plus qu'une simple connaissance. » Il ne détournait pas les yeux de moi. Il semblait aller chercher ma pensée. Je ne pus soutenir plus longtemps son regard. Il me semblait qu'il lisait au fond de mon cœur. « Permets, » lui dis-je en tâchant de me remettre, « que je me taise encore aujourd'hui. Lis, si tu le veux, ma lettre, mais ne fais ce soir aucun usage de ce qu'elle contient, je t'en prie, au nom de ton ami et d'une inconnue à qui tu dois déménagement, puisqu'elle se confie à toi. » Il ouvrit la lettre, et le premier regard qu'il y jeta lui fit voir un nom, qu'il éclaira à l'instant et ne parut point lui être étranger. « Dieu, serait-il possible ? » s'écria-t-il. « Quoi ? Tu serais celle ? » Oh Dieu, quel événement inouï ! Il voulut prendre ma main. « Laissez-moi, » lui dis-je en la retirant, « je ne puis en dire davantage aujourd'hui. Théophanie, autrefois Larissa, ne t'est pas inconnue, aie pitié d'elle, et laisse-la s'affermir encore ce soir pour ce qui l'attend demain. » Et m'échappant légèrement, je rentrai dans la maison. Il resta encore quelques moments sans doute pour lire la lettre. Un quart d'heure après l'avoir quittée, j'entendis ses pas se diriger vers la porte d'entrée de la cour. Elle fut ouverte, il sortit, en referma la clé suivant l'usage. Et pour ce soir-là, je n'eus plus rien à craindre. J'avais tremblé que, dans l'excès de sa surprise, il ne fût rentré auprès d'Agathoclès pour la lui faire partager, et ne l'eût ainsi privé pour cette nuit du calme et du repos qui lui sont si nécessaires. Je dormis peu, j'étais trop agité. Tabitha vint le matin dans ma chambre chercher une liqueur fortifiante pour ranimer Agathoclès. Je m'effrayais, je la questionnais. « Le prince est auprès de lui, » me dit-elle. « Il est venu de très bonne heure. Je les ai entendus parler et lire très vivement. » Tout à coup, le prince est sorti pour demander du secours. Agathoclès était sans connaissance. Je courus chercher Héliodore. Nous l'avons rappelé à la vie, mais avec difficulté. « Je viens vous demander cette liqueur qui a réussi à le ranimer le jour de son arrivée. » Elle s'en empara et ressortit sans s'apercevoir que j'avais presque autant besoin de son secours que de celui à qui elle allait le porter. Je me sentais près de m'évanouir, et je ne sortis de cet état qu'à la voix d'Héliodore qui m'appelait. « Théophanie, » disait-il en me prenant la main, « viens, suis-moi, Agathoclès veut te voir. » Je me traînais, à peine avais-je la force de lui obéir. « Oh Dieu, comment des émotions si vives, si multipliées n'ont-elles pas arrêté le cours de ma vie ?» Je restai sur le seuil de la porte entrouverte. Héliodore entra, et me tenant toujours la main très fortement, il m'attira près de lui. Je ne sentais mon existence que par un battement de cœur qui m'ôtait la respiration. Tout à coup j'entends une voix chérie, qui m'appelle, qui prononce ce nom consacré par tant de souvenirs. « Larissa, ma chère Larissa !» Alors mes yeux se soulevèrent, je le vis assis sur son lit, soutenu par Constantin et me tendant les bras. « Larissa, » prononça-t-il encore une fois, avec un accent qui pénétra jusqu'au fond de mon âme. Tout fut oublié, Je me précipitai dans ses bras. Je n'avais plus d'autre idée, d'autre sentiment que celui de l'adorer, plus d'autre crainte que celle de ne pas survivre à tant de bonheur. Bientôt, elles se portèrent toutes sur lui. Ses bras, qui d'abord m'avaient serré avec passion, se lâchèrent. Il était encore dans les miens, mais sans aucun signe de vie. Sa tête se pencha en arrière, et sa pâleur mortelle me saisit d'effroi. Je criai au secours, on les lui prodigua. Au bout de quelques minutes, ses yeux se rouvrirent et se fixèrent sur moi. « Ah, Junia, le ciel était dans ce regard. « Tu vis, me dit-il après quelques moments. « Ce n'est point un songe. Tu vis, Larissa. Tu es libre et tu es à moi pour jamais. » Il posa sa main sur mon front, sur mon épaule. Il prit mes deux mains dans les siennes. « Tu ne me quitteras plus, disait-il. « Non, ce n'est point un rêve. N'est-ce pas, Constantin, ce n'est pas un rêve. » Son visage rayonnait de joie. « Non, mon cher Agathoclès, lui dit son ami, tu l'as retrouvé, et je partage ton bonheur de toute mon âme. » Il prit aussi une de mes mains. « Je suis l'ami d'Agathoclès, me dit-il. Ne serais-je pas aussi le vôtre, quoique vous n'ayez pas voulu me parler hier ?»« Je t'écrivis, lui répondis-je en souriant. Cela ne valait-il pas mieux encore ?» On parle à tout le monde, mais on n'écrit qu'à un ami. Agathoclès prit alors nos deux mains réunies et les serrant fortement. « Oh, mon Constantin, oh, ma Larissa, ma Théophanie, car je veux te nommer ainsi, puisque c'est sous ce nom que tu m'es rendu. Ce n'était donc pas le délire de mon imagination lorsque je crus te voir et t'entendre la première nuit que je fus ici. Mais comment as-tu pu être assez cruel pour me priver pendant 8 jours de cette félicité ? Et ne pas te faire connaître à celui à qui ta présence allait rendre la vie et le bonheur ?» Je rougis. Si Constantin t'a fait la lecture de ma lettre, tu dois en savoir la raison. Constantin ne l'avait point lue. Dès les premières lignes, Agathoclès avait été hors d'état de rien entendre. À présent, il fut impatient de voir ce qu'elle contenait et pria son ami de la lui lire. Constantin commença. « Je sentais mes joues brûler, mes larmes coulaient, et cependant comme j'étais heureuse. » Dès que Constantin eut fini de lire, il sortit. Nous restâmes seuls avec notre joie, nos sentiments, notre amour mutuel. Agathoclès ne prononçait pas un seul mot. Il me serrait la main. Ses regards se portaient sur moi, et ensuite au ciel, comme pour le remercier de m'avoir retrouvé. Je vis ses yeux pleins de larmes. « Oh, ma Junia !» Le plus ferme, le plus courageux des hommes pleurait de joie. Ne condamne pas trop ton ami. Je me sentis irrésistiblement entraîné vers lui. Je me penchai contre sa poitrine, je l'entourai de mes bras. Nos lèvres se rencontrèrent et nos âmes se confondirent ensemble dans cet instant. Image sans doute de la félicité suprême. Ah, c'était le premier baiser que je recevais de lui depuis le jour où il me quitta pour la première fois. Confuse ensuite de ce transport involontaire, je me dégageai de ses bras, et je tombai à genoux à côté de son lit pour adresser mes actions de grâce à l'être suprême. Il daigne protéger un amour innocent et vertueux. Nous fûmes ensuite, comme dans les jours de notre enfance, à causer ensemble avec calme et douceur. J'avais ôté mon grand voile, il jouait avec mes cheveux, ôtait la grande épingle d'or qu'il retenait sur ma tête, les laissait tomber sur mon cou, puis les relevait, les rattachait. Je le laissais faire. Il me semblait encore être à l'âge de 10 ans, dans les jardins de mon père, ou à Saint-Yom, et j'étais aussi heureuse. Pendant ce temps-là, je lui racontais ma captivité chez le généreux Tritiguer, et mon passage à Saint-Yom, et mes craintes, et ma jalousie. Nous fûmes longtemps ainsi, comme deux enfants heureux et sages, jusqu'à l'arrivée d'Héliodore. Agathoclès me dit que son entrée dans la religion chrétienne lui avait coûté la bénédiction de son père et ses richesses, qu'il ne lui restait au monde que la paix de Tribun et la campagne que sa mère lui a laissée. Il nous raconta cela avec douleur. Je frissonnais involontairement à l'idée de la malédiction de son père, mais la perte de sa fortune me toucha peu. « Qu'importe, lui dis-je, nous partagerons tout ensemble. Ta Larissa est bien plus pauvre que toi et n'en gémit pas. Tout nous sera commun, bonheur, malheur, peu ou beaucoup selon la volonté de Dieu. » « Seras-tu contente, Théophanie ?» me dit-il avec un doux sourire. « Eh bien, donne-moi ta main, et promets-moi de me suivre à l'hôtel dès que je pourrai te donner ma main droite. » Je pressai sur mon cœur celle qu'il me tendait, et mes yeux lui répondirent. « Héliodore nous bénira, » dit Agathoclès. « N'est-ce pas, Héliodore ? Tu veux bénir notre sainte union ?» Malgré sa sévérité, il s'attendrit au doux spectacle de deux êtres qui s'aiment depuis qu'ils existent. « Vous méritez votre bonheur, » nous dit-il. « Vous êtes bon et pieux, puisque vous croyez le trouver dans le mariage. » « Soit. Dieu a consacré cet usage, et notre Sauveur aussi. Devenez donc mariée femme, et recevez ma bénédiction, en attendant que je la ratifie au pied des autels. » Agathoclès lui serra la main. Je la lui baisai avec respect et reconnaissance. N'était-il pas l'instrument dont Dieu s'est servi pour me rendre au bonheur ? Il sourit lorsque je le lui dis, mais il reprit bientôt son sérieux ordinaire. Il tenait toujours la main d'Agathoclès. « Elle est brûlante, » dit-il. « Tu as de la fièvre. Tu as besoin de repos. Viens, Théophanie, sortons. » Je voulus obéir. L'effroi se peignit sur tous les traits de mon ami. Il s'écria fortement, « Non, jamais. Elle est à moi, elle est mon épouse. Elle doit rester avec moi. » Il reprit ma main et m'attira vers lui. Accoutumé à obéir aux ordres d'Héliodore, je m'étais mis en devoir de le suivre. Le prêtre nous fixait avec un regard sombre. Il me repoussa. « Enfant de perdition, » dit-il, « continuez votre conduite insensée. » Et il quitta la chambre. J'étais embarrassé, en peine de la colère d'Héliodore. Inquiète sur la santé de mon ami et désirant cependant ne pas le quitter, je restais irrésolu. Agathoclès me regardait. « Tu hésites ? » me dit-il. « Tu veux me quitter ? Ce vieillard inexorable a donc plus de pouvoir sur toi que ton époux ?» C'était le premier reproche qu'Agathoclès m'eût adressé. J'en fus saisi. Des larmes parurent dans mes yeux. Je me penchai sur lui. « Je suis à toi, » lui dis-je à voix basse. « À toi seul, je veux obéir. » Il me serra fortement et me tranquillisa par les plus douces paroles. « Oh, quel délicieux moment !» Il me fit ensuite asseoir sur son lit, et avec une éloquence toute particulière, et qui me rappela Apelles, il m'instruisit du sens véritable de notre divine religion. Elle me parut bien plus sublime encore dans sa bouche que dans celle d'Héliodore et des autres chrétiens que j'avais entendus à Nicée. Agathoclès m'apprit à faire une différence entre les idées rétrécies des hommes et la véritable essence du christianisme, et me fit sentir quelle influence la pureté de cette doctrine devait avoir sur le genre humain, pour cette vie et pour l'autre. J'étais comme enchaîné par le pouvoir de ses paroles. Ah, si l'amour peut entraîner à de fausses démarches, quel pouvoir irrésistible à la vérité dans la bouche de l'homme qu'on aime et qu'on révère par-dessus tout. La chaleur de ses expressions embrasa mon âme. Je me jetai à genoux. « Oh, mon Agathoclès !» m'écriai-je. « Sois à jamais mon maître et mon guide. Ne me quitte plus. Je veux t'obéir comme un enfant soumis et que ma récompense soit ton amour et ton approbation. » Il me releva avec amitié, mais je vis que l'émotion, la joie et la vivacité de notre entretien l'avaient extrêmement fatigué. Il tomba sur ses coussins. Je le priai de ne plus parler et de se reposer. Il y consentit, et ma main dans la sienne, nous restâmes en silence. Nos yeux se parlaient, mais nos âmes, mais nos cœurs, s'entendaient bien sans le secours de la parole et jouissaient du bonheur de notre réunion. La nuit arrivait. Je pense avec crainte à l'arrivée de Calpurnie, non plus pour moi, j'étais bien rassuré, mais pour elle, et pour Agathoclès. Je remarquai qu'il devint inquiet et pensif, quoiqu'il se donnât beaucoup de peine pour me cacher cette impression. Mais rien de ce qui se passe en lui ne peut m'échapper, et je le remerciai en silence de la délicatesse avec laquelle il ménageait ma faiblesse. Insensiblement, nos craintes se dissipèrent en voyant que le bel esclave n'arrivait pas. À l'entrée de la nuit, Constantin parut. Je le laissai avec son ami occupé d'un intéressant entretien, et je me retirai dans ma chambre pour rappeler mes esprits et m'humilier devant Dieu. Je veillai toute la nuit, et je me fis un devoir bien doux de soigner mon ami, ne permettant pas que personne me remplaçât dans cet office, et résistant aux instances d'Héliodore qui voulait exiger comme un sacrifice méritoire que je quittasse Agathoclès. Je restai dans la chambre à côté. Son sommeil fut tranquille comme celui de l'innocence heureuse. Il s'est réveillé content, fortifié, et la première parole qu'il a prononcée a été le nom de l'heureuse Théophanie. Depuis lors, je ne l'ai plus quittée. Nous avons tant de choses à nous dire. Calpurnie n'est encore point venue aujourd'hui. Serait-elle instruite de ce qui est arrivé ? Agathoclès ne la nomme pas, et je n'ai pas le courage d'en parler à Constantin. J'ai profité du moment où ils sont ensemble pour te dire mon bonheur, à toi, ma chère amie, que j'ai si souvent fatigué de mes peines, et qui le partagera si vivement. Adieu, je t'embrasse tendrement, et je retourne auprès de lui. »